Le directeur du pénitencier me salua poliment et nous nous assîmes. « Monsieur Spät, commença-t-il l'entrevue, vous fûtes invité par le détenu Issa Kohler à le visiter. J'autorisais la rencontre et vous allez parler à Kohler en présence d'un gardien. » Je savais de l'avocat Stussy Leupin qu'il lui était permis de parler à ses clients sans de témoins. « Stussy Leupin a notre confiance, répond-il à ma question. Je ne veux pas dire que nous nous méfions de vous, mais nous ne nous connaissions pas encore. Je comprends. Et encore quelque chose, monsieur Spät, ajouta-t-il de manière déjà plus aimable. Avant que vous parliez à Kohler, je veux quand même vous faire savoir ce que je pense de lui. Peut-être cela est-il important pour vous. Comprenez-moi bien, je ne m'intéresse pas à la raison pour laquelle les gens que je dois surveiller sont ici. Cela ne me concerne pas. Mon devoir est exclusivement l'exécution pénale. C'est la raison pour laquelle je ne dis rien sur son crime, seulement que l'homme me rend un peu confus. De quelle manière ? Demandai-je. Le directeur du pénitencier hésita d'abord un peu avant de répondre. Cet homme semble être complètement heureux, dit-il ensuite. Cela est quand même réjouissant, dis-je. Bof, je ne sais pas, répliqua le directeur. « Votre entreprise est enfin une entreprise modèle, dis-je. »« Je fais de mon mieux, soupira-t-il. Mais quand même, un millionnaire qui est content dans sa cellule, cela semble étrange. » Je m'allumai une parisienne, il plaça un cendrier devant moi. « Monsieur Spät, poursuit le directeur du pénitencier, imaginez-vous un détenu qui, de manière ouverte, ose vous dire qu'il trouve le pénitencier magnifique, les gardiens à l'auteur, qu'il est complètement heureux et n'a besoin de rien. » Inconcevable. Je fus simplement choquée.